vous êtes assez fou. Pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On brasse un tout petit peu un des plats favoris de Stéphanie Gagné. On reçoit en direct de notre émission Sébastien Dudel de sa chronique Bon Voyeur. J'y suis. On a aussi un survol du plus récent numéro du Zone Campus et les nouvelles geeks dans CNX. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 6 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières à 7h03 ce matin. Alors, on est un petit peu comme CNN, hein? Tu l'as dit, Sébastien Dulude va apparaître en hologramme dans le studio, je sais pas si tu te rappelles de et ça. Et en direct. En direct, hein? De Montréal, mais en direct dans nos studios. En direct, ça va jouer directement dans vos haut-parleurs. On va pouvoir lui parler, puis il va peut-être nous répondre. Non, mais Sébastien Dulude, le matin, il faut pas que tu lui parles. Faut pas le brusquer. Non, on pose pas de questions. C'est ça. Donc ça, c'était à 8h30 en fin d'émission. Avant ça, à 7h30, on va voir Stéphanie Gagné. Elle aussi en direct en studio. Elle est à Gatineau, mais elle est en direct en studio quand même. Si on l'amène par les ondes hertziennes, je pense. Les ondes... Les micro-ondes, je pense. C'est comme ouais. Ça. Des petites ondes sont minuscules, micro-ondes. Hein, bon. Donc ça, c'était à 7h30 avec son plat favori. Elle va nous présenter des films de gars aujourd'hui. OK. Des films de gars. OK. J'ai hâte de voir. Galette la poche. Bon. Donc voilà pour ça. À 8h, on va faire le tour du journal Zone Campus. Évidemment, en couverture, on retrouve la grève, la décision par rapport à la grève qui va se prendre le 14 mars au retour de la relâche. Formidable. Donc on en parle vers les 8h. Et autour de ça, il y a CNX, la chronique geek. Et en plus, non seulement, mais aussi, c'est un fait. OK. En outre. Tu sais. Ça va être bon. Est-ce qu'il y a d'autres façons de dire aussi? C'est cool. Cela étant dit, hein, commençons l'émission en musique avec Ariane Moffat. Pourquoi pas? Voici la pièce Too Late. Too Late. 89.fm. Bonne émission. Wow. Que de la bonne émission. Ah, c'est rempli, ça. Wow. Your fears, the souvenirs. I miss your sweet taste. You laughed hysterically. I miss your grace and your flexibility. I miss the nights, the frantic pace. I miss the consequences, the price to pay. Oh, I miss Paris, pornography, your charge on me. I miss the way you used to love me. Now it's still- Oh, Tegan and Sarah et la pièce de Khan. Comment ça termine drôle? Ouais, c'est un petit fade, hein? Fini. On arrête ça, mais ça off. Clink. C'est bon, par exemple. Comme un toaster. Oui, on aime ça. Très, très bon. Et on passe de The Khan, hein, mm-hmm. à The Connection. Oh. Ouais, c'est cynique, ça. CDX Chronique Geek pour ce mardi matin 6 mars. Donc, on résume les nouvelles depuis hier matin, lundi. On commence avec le robot le plus rapide du monde, le DARPA, qui est Defense Advanced Research Project Agency. Il vient d'établir un nouveau record de vitesse pour un robot doté de pattes. Le Cheetah, ou Guépard, a atteint une vitesse de 18 000 à l'heure, c'est 29 km/h. Le dernier record avait été établi en 1989. Imagine comment c'est loin. Et c'était de 13,1 000 à l'heure ou 21 km/h. Pour y arriver, les ingénieurs de Boston Dynamics, une entreprise qui travaille en collaboration avec le DARPA, se sont inspirés de la nature, un peu à la manière d'un vrai guépard. Le robot plie et déplie son dos afin d'augmenter la longueur de ses enjambées pour atteindre cette vitesse. Pour le moment, le cheetah ne court que sur un tapis de course et tire son énergie d'une pompe hydraulique externe. Le DARPA promet des tests sur le terrain bientôt, développé par dans le cadre du programme M3, qui est Maximum Mobility and Manipulation. Les applications militaires de ce robot sont encore inconnues, mais le DARPA assure en imaginer déjà tout un éventail. J'aime ça. Hey, ça va-tu, ça, à un moment donné, devenir maître du monde, ça, là? Hein? Imagine, on pourrait peut-être conduire un robot cheetah un jour. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être le fun. Ben oui, tu gagnes. Alors qu'Apple doit annoncer mercredi, donc demain soir, l'avenir de son secteur tablette là, avec le nouveau iPad, une rumeur persistante fait état de la présentation non pas d'un iPad 3, mais d'un iPad HD. Une dénomination qui pourrait laisser penser que le terminal disposera d'un écran Retina, c'est-à-dire comme un iPhone où tu ne détectes pas la présence, la différence entre les différents pixels là, sur l'écran. Tout est super clair. C'est Gizmodo qui relaie l'info, expliquant avoir mis la main sur des listings de fabricants d'accessoires comme Griffin et Belkin, faisant état de 3 modèles d'iPad HD. Par ailleurs, des lecteurs du site ont également fait remonter qu'un iPad HD apparaissait de temps à autre dans les statistiques du service Google Analytics depuis déjà quelques mois, un élément qui ne relève cependant pas une preuve suffisante, oui, le nom d'un terminal pouvant facilement être falsifié, ou encore c'était peut-être un nom de code jusqu'à temps qu'il décide qu'est-ce qu'il allait... Ils vont peut-être choisir un nom super cute, là, puis ce ne sera même pas un chiffre ni un HD. Là. On ne sait pas. Donc, on parle d'appareils mystères associés à une définition de 2048 par 1536 pixels, ce qui est évoqué depuis longtemps déjà et qui serait de la Retina Display, finalement. De son côté, VentureBeat va plus loin et évoque un second appareil qui serait quant à lui doté d'un écran de 7,1 pouces, donc un genre de mini iPad ou un extra gros iPhone moyen, comme ça. Si on veut, dépendant de quel bord tu regardes ça. Ouais. Les rumeurs concernant un écran de taille plus petite vont également bon train depuis un moment. Ici, la diagonale de 8 pouces est souvent évoquée. Un format un peu plus petit pourrait avoir un sens plus probant sur le marché actuel. On dit 7,1 pouces qui permettrait à Apple de concurrencer la tablette Kindle Fire d'Amazon, très populaire aux États-Unis depuis son lancement. Ça, c'est la liseuse de livres et qui sert aussi de console de jeu et pour regarder des films, etc. Et donc, Amazon qui commence à piler sur le terrain d'Apple un peu trop pour eux. Maintenant, dans contrepartie, si on veut, parlons de Windows 8. À force de parler de ce Windows 8, on connaît presque tout, excepté sur le plan commercial, nous dit Cubic.com. En effet, on ne connaît pas son calendrier de sortie et encore moins ses éditions. Des informations pour l'heure contradictoires commencent malgré tout à filtrer sur le sujet. Donc, on fait un petit peu le point là-dessus. Une liste d'éditions a notamment été découverte dans la base de registre de la Consumer Preview de Windows 8. Ça, c'est la version bêta qui est destinée au public. Selon le site Windows 8 Beta, après dédoublonnage, on y retrouve pas moins de 8 éditions. Hein, ils perdent pas leurs habitudes, là, Microsoft. Tabarouette. Starter Edition, Ultimate Edition, Home Enterprise. Non, mais ça va faire. La liste découverte dans la base de registre pourrait en fait n'être qu'un héritage de Windows 7, qui présente une liste identique, donc naturellement dépourvue de l'édition... L'édition quoi pour... En tout cas, bref, il y a une mystérieuse édition Professional Plus, une dénomination qui était jusqu'à présent réservée à Office. La tendance était plus que jamais à la rationalisation, donc on descendait le nombre d'éditions. Mais il y a de grandes chances que Windows 8 ne soit en fait décliné qu'en 4 éditions. On dit Windows 8 tout court, l'édition standard. Windows 8 ARM, je ne me rappelle pas ce que ça veut dire. Windows 8 professionnel et Enterprise, entreprise. Chacune en version 32 et 64 bits, donc tu fais x2. C'est beaucoup trop d'éditions. Les éditions ne seraient annoncées qu'à l'approche de la sortie car elles ne seraient arrêtées qu'à ce moment, comme le prétendait Steven Sinofsky en septembre 2011 au sujet de Windows 8. La donne pourrait donc changer d'ici là. On va vous tenir au courant, mais sérieux, il faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose. À moins que ce soit justement des récents de Windows 7, comme dans... tu t'achèterais une mise à jour pour ta version de Windows 7 qui était, mettons, professionnelle, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Okay. Maintenant, des fichiers musicaux de Michael Jackson ont été piratés. As-tu entendu parler de ça, François? Non. Dans son ordinateur? Non. C'est chez Sony Music. OK. Donc, un grand nombre de fichiers musicaux de Michael Jackson auraient été volés à Sony Music par des pirates informatiques. Sony Music Entertainment a signé en 2010 un contrat de 250 millions de dollars avec les administrateurs du Michael Jackson Estate, l'organisme chargé de gérer les affaires de l'artiste décédé en 2009, prévoyant de publier 10 albums posthumes et une compilation d'anciens titres. Selon des médias britanniques, des dizaines de milliers de fichiers musicaux la plupart signés du roi de la pop, auraient été téléchargés illégalement. Roi de la pop, c'est selon l'article. Deux personnes, James Marks et James McCormick, ont comparu vendredi devant un tribunal britannique pour des chefs d'accusation liés à un piratage présumé. Ils avaient été interpellés en mai dernier et inculpés en septembre. Ils nient les accusations portées contre eux. Dans un communiqué, Sony a confirmé qu'un piratage de données avait eu lieu en mai et que l'entreprise avait pris immédiatement les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de son site et signaler l'infraction aux autorités. Sony avait déjà été critiqué il y a moins d'un an pour les défaillances de son système de sécurité. Évidemment, on se rappelle tous du PlayStation Network qui avait été hacké il y a quelques temps de ça. Ça leur avait coûté cher, ça. Et que oui. 77 millions de détenteurs de comptes avaient vu leurs informations dérobées sur le service de jeux vidéo en ligne, le PlayStation Network et Curiosity. Voilà. Donc, c'est pas une bonne chose pour Sony, encore une fois. Il y avait plein d'affaires exclusives qui sont pas encore sorties sur CD ou sur MP3 dans cette grosse discographie des collaborations avec des artistes qu'on n'avait jamais entendu avant. Donc, voilà. Bien des choses se passent de ce côté-là. Maintenant, une nouvelle maladie affecte les technophiles. Pauvre François, tu vas peut-être en être atteint un jour. Je pense pas. Si vous paniquez lorsque vous vous retrouvez sans téléphone portable, vous n'êtes pas seul. D'après un sondage britannique publié il y a deux semaines par l'entreprise Secure Envoy, 2/3 du millier de personnes interrogées ont peur de se retrouver sans téléphone, alors que cette proportion n'était que de 53% il y a 4 ans. Les personnes âgées de 18 à 24 ans sont les plus touchées par cette nouvelle phobie, à 77%, suivie de la tranche d'âge 25-34 ans, à 68%. Avec des différences selon les sexes, 70% des femmes ont peur de perdre leur téléphone contre 61% des hommes, mais ça s'explique peut-être par le fait que les hommes possèdent souvent un téléphone portable de secours, d'après les chercheurs. Oh, ouais. Un téléphone portable de secours? Un deuxième? Ils sont malades mentales. Dans ton bas? Mais ça où, là? Mais non, c'est niaiseux. Vous faites dur si vous avez un téléphone de backup. Mais bon, les symptômes de cette... je veux pas vous juger, mais je trouve ça étrange. Au pire, tu sais. Charge-le, puis si t'en as pas, ben t'iras au coin de la rue mettre 50 cents dans un téléphone. T'aurais pu les juger. C'était une bonne occasion. Ben, je les juge, bon. J'essaie de pas juger les gens, mais dans ce cas-ci, je trouve ça vraiment farfelu. Non, arrêtez, nous. Les symptômes de cette nouvelle phobie, baptisée en anglais la nomophobie, on a parlé un petit peu de ça ici à CNX, je crois que c'était il y a deux semaines, la no-mobile phone phobia, qui peut se manifester sous forme de tremblements, de sueur et de nausées lorsque le téléphone est hors de portée. Et quand même. Equifax Canada, la plus importante agence de renseignement de crédit au pays, propose des conseils pour magasiner en ligne en toute sécurité parce que c'est le mois dédié à la protection contre la fraude. François. Ah. Je cite, les Canadiens passent beaucoup de temps en ligne. Ah, eh ben. Selon le bureau d'éthique commerciale, près de la moitié d'entre nous magasinons en ligne. Avons quelques 13 millions de comptes Facebook, 3,5 millions de comptes Twitter et nous envoyons près de 5 milliards de messages textes tous les mois. Incroyable. Donc, à cause de ce taux d'activité-là, on est plus susceptible au vol d'identité, aux trucs comme ça, aux fraudes. Donc, quelques petits conseils. Je vous ai passé l'article complet sur assemblagerequis.com. On parle, entre autres, de vérifier l'adresse web. Par exemple, si vous êtes sur un site sécurisé pour faire des achats en ligne. Il y a un petit cadenas, là. Et petit puis, en plus, le HTTP devient un HTTPS. OK. Pour secure. OK. Le deuxième conseil, mais ça garantit pas que tu te fais pas frauder, là. Non, mais ça aide, en tout cas. Mais en tout cas, ça devrait être pas mal plus difficile de frauder, ouais. Si un petit... c'est difficile d'avoir ce certificat-là, je crois. On dit ouvrez l'œil, hein, surveillez de près vos relevés de compte bancaire, voir s'il n'y aurait pas quelque chose, dessus. Tu sais, il fallait faire ça même avant Internet. Non? Exactement. Changez vos mots de passe fréquemment. Évidemment, on se rappelle, c'est pas écrit dans l'article, mais choisissez un mot de passe approprié, là, avec des majuscules, minuscules, lettres, chiffres et pas des mots du dictionnaire, parce que c'est trop facile à trouver pour un fraudeur. Ne donnez pas vos informations personnelles à n'importe qui, hein, le roi de l'Arabie Saoudite ou quelque chose du genre, c'est clair que c'est pas bon pour vous. Protégez votre numéro d'assurance sociale, hein, seulement en cas de nécessité totale, vous devez donner ça, genre un patron pour un emploi, ça se fait. Ailleurs, ça se fait pas vraiment. Hein. Protégez votre courrier, hein, votre boîte aux lettres, déposez votre courrier sortant dans les boîtes aux lettres de Poste Canada, non pas dans votre boîte aux lettres chez vous. Déchiquetez tous les documents que vous jetez, y compris les demandes de crédit préautorisées, parce qu'il y a toujours votre nom, votre adresse dessus, c'est très facile de vous voler votre identité. Donc, l'article complet sur assemblagerequis.com, c'est le mois de la protection contre la fraude. C'est le mois de mars au complet. Oui, bien. Parlons de jeux vidéo un petit peu pour terminer ça. La firme Statista a mesuré la première semaine de vente de la PS Vita à celle de la PSP, l'ancienne console portable de Sony, et des consoles portables de Nintendo comme la DS et la 3DS, et les résultats sont surprenants, nous dit Jouer.com. La PS Vita est disponible sur le marché depuis plus d'une semaine, et depuis son lancement, les analystes ont commencé à comptabiliser les premiers résultats de vente. Ils ont ainsi comparé la nouvelle console de Sony aux autres consoles portables du marché. La firme a mesuré la première semaine de vente de la Vita à celle de la PSP et des consoles portables de Nintendo. Les résultats sont assez surprenants. La PS Vita arrive bon dernier dans le total de ventes dans les marchés américains et japonais. Par contre, elle passe devant la Nintendo DS et la 3DS en Europe. mais elle est surclassée par son prédécesseur, la PSP, qui vole la première place avec 570 000 unités vendues. C'est sûr que la PSP est vendue genre dans les coins de 70-80 $ en ce moment, là, ouais. Alors que la Vita est encore 250-300 pour le modèle 3G, que je conseille absolument à personne. Sérieusement, si vous achetez ça, c'est que vous devez vraiment, vraiment beaucoup jouer en ligne, là. C'est comme 15 $ par mois, là. C'est pas encore arrivé au Canada. 15 $ par mois? Genre, là. En plus que la console coûte 50 $ de plus. C'est pas de très bonne idée. C'est vraiment juste si vous avez besoin d'être en ligne en tout temps. Ouais. Ce qui est pas vraiment le cas pour la plupart des gens. Les deux plus récentes consoles sorties sur le marché, soit la PS Vita et la 3DS, ont quand même beaucoup de chemin à faire pour arriver au même niveau que la DS qui a vendu 152 millions d'unités jusqu'à présent. Ben, ça, c'est sûr. Là. Ça fait très, très, très, très longtemps que c'est sorti. C'est quoi, 2000... J'ai envie de dire 2006, mais je ne suis... 2004, je crois. Mais je m'avance pour rien. On disait donc qu'il a vendu beaucoup d'exemplaires. Oui, donc il y a des petits graphiques, des petits dessins que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com pendant que je tape subtilement Nintendo DS sur Wikipédia pour avoir la date de sortie. On dit, aux États-Unis, c'était le 21 novembre 2004. Voilà donc mon deuxième coup, était le bon. Whippity-doo. Whippity-doo. Whippity-doo. Tiens, parlant de la PlayStation Vita qui tarde à se faire, à se rendre populaire, voilà. J'ai trouvé deux articles et étrangement, mes articles préférés par rapport à la façon simple de comprendre qu'est-ce qu'une PS Vita et pourquoi l'acheter ou pourquoi ne pas l'acheter. Et ces deux articles-là viennent du Québec. Génial quand même. C'est selon jouer.com, encore une fois, très bon site, qui poste pas grand contenu, mais quand il y en a pas, c'est du bon. Donc on commence par 10 qualités de la PlayStation Vita. Je vais les faire en rafale. Je vous lirai pas les textes qui vont avec, là, allez voir sur assemblagerequis.com, mais c'est quand même très intéressant. Donc 10 qualités, on parle des contrôles analogiques. Évidemment, les deux sticks pour jouer à des shooters, c'est absolument nécessaire. La PSP avait de très très grandes lacunes par rapport à son seul et unique joystick. C'était pas facile de jouer. La taille et la qualité de l'écran. Écran de 5 pouces, OLED. OLED est une nouvelle technologie. Là, c'est un écran de 5 pouces OLED. Exactement. Okay. Et OLED, faut pas confondre avec LED, donc c'est pas la même technologie. C'est beaucoup plus brillant et beaucoup plus visuellement plaisant. Donc, un écran OLED, la lettre O. Parce que les gens disent OLED quand ils parlent d'une TV. OLED, là, LED, hein, c'est pas la même chose. Donc, taille et qualité de l'écran, c'est certainement une des qualités. Les capacités graphiques, hein, on dit toujours, ça s'approche très, très près de la PlayStation 3. Presque. Léger malgré sa puissance, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment extrêmement léger. J'adore le poids de cette console-là. Les technologies intégrées, bon, on parle entre autres de Wi-Fi, émetteur, récepteur Wi-Fi, boussole électronique, capteur de mouvement, gyroscope, accéléromètre, réalité augmentée, très, très bien. Avec deux caméras de marbre, mais quand même, deux caméras. L'écran tactile capacitif, un peu comme le iPhone, même si moi je déteste jouer à des jeux en touchant parce que ça cache l'écran, hein. Mais c'est quand même bien adapté dans cette console-là. Gestion de la batterie, je suis pas très très sûr que c'est une qualité, ça dure vraiment pas si longtemps que ça, genre en dedans de 5 heures, c'est pas mal fini. Mais ça a du sens. Pour un écran aussi grand et des jeux avec une aussi grande performance et une aussi belle qualité graphique, on s'entend que 5 heures, c'est quand même pas super. Les logiciels intégrés. Dont je me suis pas servi tant que ça, mais quand même, il y a le logiciel de chat, la liste d'amis Friends, Near, qui est un réseau social, Party pour les groupes, Facebook, Twitter, Skype, qui sont tous disponibles, un paquet d'autres comme ça. Les jeux qui sont disponibles, surtout au lancement, on parle entre autres de Rayman, Munition Racers, de jeux de golf, jeux de combat, jeux de course, il y en a plusieurs, il y en a pour tous les goûts. Et finalement, le multitâche, même si là, encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord, parce que multitâche, les applications sont gelées quand tu changes d'application, donc tu peux comme pas, mettons, faire jouer la musique, puis aller dans une autre application, que je sache. Là. Tu peux pas non plus jouer à un jeu, le laisser rouler, puis aller ailleurs. C'est bizarre. Ça gèle l'application, mais bon. Sinon, les 10 défauts, les coûts élevés, entre autres pour la console, 250, comme on disait, 300 $ pour la version 3G. C'est pas si pire. Non, pour une nouvelle console, c'est pas si pire. Et la performance, c'est là. Moi, je trouve ça très raisonnable pour une console. Il faut dire que pour le même prix, exemple, t'as un Xbox 360 ou un PlayStation. Ben, il est dans ton salon. Ouais, puis... c'est ça, exactement. Tout dépend de ce que tu fais avec. Là. Exactement. C'est pas tout le monde qui est capable de jouer à un jeu portable. Moi, je trouve que c'est. Je préfère les consoles portables aux consoles de salon. Chacun ses goûts. Mais la PSP est à combien quand elle est sortie? Quand elle est sortie, je sais pas. Bonne question. C'est pas le même prix, j'imagine? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être plus cher. Attends un petit peu. Je cherche et je te reviens là-dessus parce que je suis pas certain. J'ai les prix seulement au Japon. Bon. Je t'en reviens là-dessus. Donc, on parle aussi des coûts, entre autres, des cartes mémoire, parce que ça, vraiment, Sony vient vous fourvoyer là-dedans. Ça passe de 19,99 pour les cartes de 4 gigs et jusqu'à 100$ pour les cartes de 32 gigs comparé à des cartes SD qui, dans le fond, la même chose, mais ils ont juste... Sony fait des formats juste un petit peu différents. Un petit peu. Pour pouvoir les vendre à part, c'est quelque chose que je déteste. L'ergonomie qu'on mentionne comme défaut sur jouet.com, ouais, je suis d'accord que peut-être que les boutons et la croix directionnelle sont trop près des joysticks. Souvent, tu vas t'enfarger dans les boutons quand tu joues avec tes joysticks. Puis ça, tous les boutons sont très près de l'écran, 5 pouces aussi, donc des fois tu vas t'en faire jouer dans le tactile, des fois tu vas t'en faire. Il faut que tu fasses attention, mais tu t'habitues avec le temps. C'est pas vraiment un défaut d'après moi. Les seules choses que j'aime pas côté bouton, c'est Select et Start. Que quand tu veux faire start pendant une course, mettons d'auto, le start est en bas à droite, quand même relativement loin pour ton pouce du joystick de droite. Donc faut que tu lâches tout. C'est pas le fun ça. Je trouve que ça aurait pu être situé un petit peu mieux, le bouton Start, mais bon. Et le bouton Select sert toujours à rien depuis le début des temps. Là. Je comprends pas pourquoi ils s'entêtent à mettre un bouton Select sur les consoles de jeux vidéo, mais bon, ça, c'est un autre sujet. L'hypersensibilité tactile, peut-être que ça peut être un défaut d'être trop sensible sur le pavé. Je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend plus de comment le jeu l'a utilisé. C'est pas vraiment la faute de la console, je pense. La rétrocompatibilité, évidemment, ça, c'est un défaut majeur. Hein. Si t'as acheté des jeux sur la PSP dans le temps, il n'y a plus de lecteur. Ça fonctionne pas. Au Japon, ils ont un système où tu peux échanger, tu mets ton jeu dans ta PSP ou quelque chose du genre, et puis ça va te donner un code pour avoir un rabais sur la version électronique. Mais en même temps, tu payes, mettons, le 3/4 ou le 2/3 du prix, c'est pas un assez gros rabais. Moi, je trouve que tu devrais pouvoir rentrer le numéro de série du jeu que t'as et puis l'avoir gratuitement sur ta PS Vita, ce serait juste logique, tu as déjà payé pour un. Ouais. Je comprends pas pourquoi empêcher ça. Surtout que sur les autres consoles, comme par exemple la 3DS qui prend les cartouches de DS, la Game Boy Advance qui prenait les cassettes de Game Boy Color, il y a tout le temps eu de la rétrocompatibilité chez Nintendo. Sur l'iPhone, si tu changes d'iPhone, tu vas pouvoir juste réimporter tes jeux dedans. Donc il n'y a aucune raison de bloquer ça. C'est complètement stupide. Et puis j'irai pas racheter un jeu, j'ai déjà fait non, ça. Non, non, non. Donc ils font pas plus d'argent. Là. Puis la plupart des jeux, de toute façon, qui étaient disponibles sur la PSP, comme, mettons, je donne un exemple, Little Big Planet, je l'ai cherché sur la Vita, sur un magasin, le store, le PlayStation Store, il est même pas là encore. Il est pas là. La seule façon d'avoir Little Big Planet, si tu veux jouer en ce moment, c'est si tu l'avais déjà acheté électroniquement sur le store, sur ta PSP, tu branches ta Vita dans ta PS3 et puis tu retransfères le jeu. Tu peux le racheter sur la PS3 et l'envoyer par fil USB sur ta Vita, mais il est pas dans le magasin. Donc c'est complètement stupide. Mais bon. Donc, un très gros défaut. Et où en étais-je rendu dans le top 10 des défauts? La collectivité avec la PS3, moi pourtant je trouve ça très très bien, mais c'est qu'il y a seulement certains jeux qui vont permettre de continuer une partie de la PS3 sur un jeu que t'as acheté sur la PS3, le continuer sur la PS Vita, j'imagine que c'est ce qu'ils veulent dire. Le jeu multijoueur, moi je joue jamais multijoueur, donc je peux pas vraiment m'avancer là-dessus. La qualité des photos, c'est des petites caméras style webcam, là. De la fin des années 90. Là. Ouais, ça c'est pas malade. Non, mais c'est pas fait pour prendre des photos. Non. Tu peux en prendre. Ben oui, c'est fait pour prendre des photos parce que c'est un appareil photo. Là. Mais c'est fait pour jouer à de la réalité alternative. Donc c'est fait pour utiliser, mettons, avec Little Deviants, qui est un jeu qu'il faut que t'achètes, mais qui est un des jeux qui montre le plus tes capacités de la console. C'est que tu peux tirer des affaires ou des bébites avec ta console dans les mains. Tu la tiens devant toi, puis tu vas voir des bébites apparaître dans ton salon, puis tu les tires. C'est fait plus pour ça. T'es pas vraiment supposé regarder ce qui se passe derrière toi, mais t'es supposé te sentir comme c'était dans ton salon, pareil. Okay. Mais t'as pas besoin de qualité pour ça. Tu connais ton salon. Wow. Mais bon. Donc, toujours dans le top 10 des défauts de la PlayStation Vita, pas de sortie vidéo. OK. Donc, qui aurait été intéressant de pouvoir jouer à des jeux PS Vita sur son téléviseur. Oui, tout à fait. Mais en même temps, la plupart des autres consoles portables, ça faut remonter à la Game Boy Advance pour le dernier adaptateur où tu pouvais brancher ça sur ton GameCube pour jouer à la télé. C'était pas très, très beau. C'était pas très très utile parce qu'une console portable c'est fait pour jouer sur la route, alors que si tu veux jouer à un jeu d'habitude dans ton salon, tu vas jouer sur ta console de salon. Ouais. Mais bon, je peux comprendre les gens qui veulent jouer à leur Vita sur la télé, surtout parce que les graphiques sont vraiment beaux. Mais je sais pas, ça va venir. Moi je pense que ça va venir. Le navigateur web qui est vraiment nul, pas de flash dessus. Et ils terminent leur top 10 avec le fait qu'il n'y a pas de version 3G au Canada, mais ça s'en vient très bientôt. Voilà pour les nouvelles. Il nous reste les nouveautés en magasin cette semaine. On fait ça très rapidement parce que t'en files. Sur PC, Auditorium, un jeu de puzzle. Il y a aussi Daniel Guy's Day of the Jackass, un jeu d'aventure. Microsoft Flight, un simulateur de vol. Painkiller Recurring Evil, un shooter à la première personne fantastique. Pas fantastique le qualificatif, mais c'est du jeu fantastique. Wakfu, un jeu de rôle massivement multijoueur et en ligne. iBomber Defense Specific, un jeu de stratégie. Luxor Evolved, un puzzle. Vessel, un autre puzzle, mais cette fois-ci, on dit un jeu de plateforme 2D / puzzle. Donc, soudainement, tu mets les deux mondes ensemble et ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jeu de plateforme, j'adore ça. Puzzle, j'adore ça. J'ai bien hâte de voir ça. Il y a aussi Containment, The Zombie Puzzler, un autre puzzle, et Julia, un jeu de stratégie. Sur Xbox 360 maintenant, Binary Domain, un jeu de science-fiction qui est aussi sur PS3. SSX, le jeu de snowboard, planche-à-neige, qui est aussi sur PlayStation 3. Sur le Xbox Live Arcade, donc en ligne seulement, on parle de Nexuiz, un shooter à la première personne science-fiction. Sur PlayStation 3, Hyper Dimension, Neptunia MK2, un jeu de rôle. Et Order Up, qui est un autre simulateur de restauration. Je comprends vraiment pas l'intérêt. Je m'excuse, je vais pas juger les gens, mais je trouve ça tellement plate! Un simulateur de restauration. Ouais, mais c'est comme The Sims, puis c'est comme... Ah, j'imagine. Tout ce jeu-là. Genre dire aux gens, toi, tu vas à telle table, là, tu les serves, là, tu leur... Ah, en tout cas, mais bon, chacun son genre. Sur le Sony Entertainment Network de la PSP, non pas de la PS Vita, Ducati Challenge, un jeu de course, et Trailblazer, un puzzle. Sur la Nintendo Wii, Poké Park 2 Wonders Beyond, qui est évidemment un jeu d'action-aventure sur Pokémon. Nintendo DS, maintenant Shin Megami Tensei Devil Survivor 2, un jeu de rôle. Et sur le DSiWare, qui est le service en ligne de la Nintendo DSi, c'est A Spot the Difference. Mais là, c'est A avec des points d'exclamation. Ah! Spot the Difference, un puzzle. Un jeu de matching, donc tu dois matcher des affaires. Il y en a tellement des jeux comme ça. C'est plus vous donner de la tête quand t'aimes ce genre de jeu-là, ce qui est pas mon cas. Donc voilà pour le bloc CNX aujourd'hui. Long bloc. On aime ça. Ça de temps en temps. On se quitte avec du chiptune. Chiptune. Et je suis retourné en arrière aujourd'hui parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de chiptune. C'est un de mes artistes ou groupes préférés. J'ose espérer que c'est un groupe étant donné le nom. C'est le J. Arthur Keane's Band. Hein? De quoi? Le J. Arthur Keane's Band. OK. Donc j'imagine que c'est un band, là. Tout est bien compliqué, eux autres. Hein? Ben, J. Arthur Keane, c'est le nom du gars, là. Il peut pas non plus... Ben, tu veux qu'il s'appelle comment? Juste J, hein? Ouais, J. C'est comme toi, François-Olivier Marchand, c'est pas compliqué, ça, d'abord? Hein? Non, c'est pas super. Pas super. Donc, on va l'entendre sur l'album Pamplemousse, d'accord, qui est un excellent nom. Niaises-tu, là? Non, je niaise pas. C'est une très, très bonne pièce qu'on appelle Dispatch. On écoute ça à l'instant dans Cynix 89.1 FM, c'est fou. Et tu vas aimer ça, je pense, là, parce que ça chante dedans. Ah ouais? Ça va être pas bien pantoute. Ouais. Quand tu veux. Hein? Wow. Can you see them? C'était le J. Arthur Keane's Band avec la pièce Dispatch sur l'album Pamplemousse. Qu'est-ce que t'en penses, François, toi? Bah, j'ai beaucoup de misère avec la chiptune. Ouais, je sais. Ouais, non, je veux pas. Même les bouts, ils chantent. Ah, pas parce qu'ils chantent que ça va être bon. Ça, ce bout-là, là. Ici, là. Bah, je sais pas. Non, ça m'intéresse pas tant que ça. Ah, pauvre toi. Ouais, tu sais, c'est pas super. Moi, ouais, ça, c'est supportable, celle-là, maintenant. Ouais, j'imagine. Les enfants. Donc, nous, on prend une petite pause et on revient avec Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori. On veut pas la faire trop attendre non plus. Hein? Elle nous parle de films de gars. Oui, des films de gars. Rambo. De gars. Hein? Rambo? Rambo, Goom. Terminator! Goom qui vient de sortir au cinéma. Le film d'hockey là qui ressemble étrangement à. Slapshot. Slapshot. Le Slapshot. Prenez une patate. Prenez une patate. Non, tu connais ça? Non. C'est la pub de. Non, c'est ça. Hey, on revient à ce don-là, ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Toujours avec François Marchand et Mathieu Plante. Il est 7h43. C'est maintenant le temps d'accueillir. Quoi? Chaleureusement. Qui? Stéphanie. Stéphanie. Gagné. Gagné! Big, big, big winner, Stéphanie Gagné, bonjour! Bonjour. Ça va? Oui, vous autres? Pompé? Oui. Je pense qu'on peut dire que oui. Salut, Steph. Allô, François-Olivier Marchand. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, parle-moi de ça. Hey, puis un matin, tu me parles de films de gars. Oui, j'ai écouté beaucoup de films de gars dernièrement. Et je voulais vous parler de quelques-uns. Surtout, celui dont je vais le plus parler, c'est le film Drive. Donc, c'est ça, c'est un film qui met en vedette Ryan Gosling. Ça pourrait enlever le goût à beaucoup de gars d'écouter le film, vu qu'il est vraiment connu pour ses films de ses filles, comme The Notebook. Qui ça? Ou les pages... Ryan Gosling. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il joue dans les pages de Notre Amour. Ta blonde t'a pas fait écouter ça? Non. Oh, t'es mais chanteux. Je t'avoue qu'elle a peut-être essayé, puis... Ouais. Écouter, mais... Je pense qu'il est bon pour résister à ces affaires-là. Lui. Les pages de l'amour. Eh boy, ça sonne bien, ça. Oui. Ça commence très mal comme titre. Mais en tout cas, dans ce film-là, il est vraiment excellent. C'est vraiment un bon film d'action de gars. Ça met aussi en vedette Carey Mulligan, que j'aime beaucoup, qui avait joué dans An Education. Toi aussi, Mathieu, je pense que tu l'aimes bien, Carey Mulligan. C'est un coup de cœur. Elle est excellente. Alors, dans le fond, dans l'histoire, Ryan Gosling, c'est un cascadeur de voitures. C'est un cascadeur professionnel ou? Oui, ouais, c'est okay. Ça pour des films. Okay. Dans le film, pas le gars Ryan Gosling, là. Non, pas dans la vraie vie, mais okay, son personnage, c'est un cascadeur de voitures. Dans le fond, son personnage est un cascadeur, mais il s'est fait lui-même, dans le film Ryan Gosling, joué par un cascadeur. Fait que c'est comme super ironique que ce soit un cascadeur qui joue le cascadeur pour le cascadeur qui est supposé être un cascadeur. Exactement. Okay. Mais lui, c'est un cascadeur? Non. OK. OK, écoute. Miam. C'est un acteur, c'est quoi? Oui, c'est un acteur, Ryan Gosling. Mais c'est un cascadeur qui joue, là. Oui, son personnage, c'est un cascadeur. Même dans les pages de Notre Amour, c'est un cascadeur qui joue le gars, là. Ben, je pense pas qu'il y a des scènes de... Ah, putain, qu'il va avoir... Continue. Bref, je peux continuer? Ouais, on a compris que c'est un cascadeur. Donc, Ryan Gosling joue un cascadeur de voiture pour des films à temps partiel. Pour se faire un peu plus d'argent, il décide de se faire engager par des criminels pour être le chauffeur désigné, dans le fond, quand les criminels font des vols. Dans le fond, c'est toujours des personnes différentes. Ouais, j'ai vu ça passer à quelque part. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, il finit par s'embarquer dans une grosse histoire par rapport à sa voisine, jouée par Carey Mulligan. La personne qui l'avait averti? Hein? Non, vas-y, vas-y, continue. OK. C'est ça, il finit par se relâcher dans une histoire assez violente. Mais c'est un film d'action quand même assez lent. C'est pas le genre de film où tout le long, c'est une course à la montre ou c'est pas non plus un film où il y a une personne qui se fait tirer dessus à toutes les 30 secondes. C'est très lent, mais il y a quelques moments très intenses où tout d'un coup, là, c'est le rush ou que c'est très violent tout d'un coup. Ça fait vraiment changement. Et aussi, bien sûr, ça fait changement de voir Ryan Gosling dans un rôle de gars qu'on n'aime pas beaucoup. C'est le personnage principal, mais il est vraiment étrange. C'est vraiment pas un bon gars, mettons. Fait que c'est ça, il est pas très, très parfait. Mais tu l'as trouvé cute quand même, là. Ah, ben ça, c'est sûr. Ça n'enlève rien, là. Tu l'as pas regardé parce que c'était un film de gars, là, quand même. Tu l'as regardé parce que c'était le gars qui était dedans, là. Qui était un cascadeur, là. Ben, oui puis non. Parce que j'avais lu l'histoire, puis j'avais vu la bande-annonce, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Fait que, finalement, j'ai été bien servi. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, mais je pensais pas que c'était un vrai cascadeur, mais en tout cas. L'acteur, c'est pas un vrai cascadeur, François. Bon. On lâche le sujet. Moi, je dis que c'est un film que je veux voir pour Carey Mulligan. Je regarde ça en ce moment. Check les cascades. Là, ouais, les cascades avec elle. Ça vaut la peine pour voir Carey Mulligan. Voilà. Oh, deuxième film de gars. Oui, les deux autres que je vais parler, je vais y aller un petit peu plus vite. Question de parler aussi d'une chanson tout à l'heure. Je pense qu'on va ralentir ça de toute façon, nous, avec nos commentaires déplacés. Alors, le premier, un petit peu moins un film de gars, mais c'est quand même un film de sport. Ça vient de sortir en DVD il n'y a pas très longtemps. Moneyball, qui a été nominé aux Oscars dans deux catégories pour avec meilleur Brad. Acteur. Avec Brad? Avec Brad Pitt, oui. Hey, il est-tu beau? Ben, pas tant, il s'en vient vieux, là, mais... Bon, check là. Hey, check ses critères, hein? Toi aussi, tu vieillis, Stéphanie. Merci, François. Ça me plaît. Je vous rappelle que je suis beaucoup plus jeune que vous. C'est vrai. T'as eu quoi, 19 ans la semaine dernière? Peut-être pas, là. Peut-être qu'un jour, tu vas les rattraper. Hein? Je sais pas si ça marche de même. Je vous parlerai pas de mon âge. Mm-hmm. Ça suffit. Non, quel âge que t'as, pour vrai? Bon, ça, alors, Moneyball, on parlait de ça, hein? Ouais. Ouais, on parlait de Brad Pitt. Donc, Moneyball avec Brad Pitt, ça a été nominé aux Oscars dans deux catégories pour le meilleur film. Puis aussi pour meilleur acteur, pour Brad Pitt. Un film biographique qui est inspiré du livre Moneyball de Michael Lewis. Dans le fond, ça raconte la vie de Billy Bean, qui était le manager des Oakland Athletics, une équipe de baseball professionnelle aux États-Unis. C'est comme Robbie Rabidas, ça. Comme qui? Un joueur des Patriots, Bobby Rabidas. C'est un drôle de nom. On aime ça. Je suis pas sûre que c'est pareil. Ça ressemble. Fait que c'est ça, dans le fond, il voulait. Son équipe avait pas beaucoup d'argent, puis il voulait vraiment se rendre en finale et gagner. Et c'est ça, fait qu'il a essayé une manière différente de trouver des joueurs, une manière statistique. Alors, c'est ça. Ça parle de ça dans le film. Deuxième film dont je vais vous parler, aussi un film de sport, c'est le film Warrior. Aussi en DVD depuis pas très longtemps. C'est un drame sportif. Ça met en scène deux frères qui se sont pas vus depuis 14 ans puis qui participent tous les deux à un tournoi d'arts martiaux mixtes. Ça ressemble beaucoup à la UFC. Ah ouais? C'est bon? Ouais. Oui, moi j'ai vraiment aimé, okay. Mais j'aime aussi pas mal la UFC, fait que j'ai trouvé ça pas mal bon. OK. Fait que c'est ça, film à voir avec Tom Hardy que j'aime beaucoup aussi. Parfait, je pensais que t'allais nous parler de Goon, le film. Je suis allée le voir au cinéma hier. Oui. Je voulais vous en parler la semaine prochaine, mais là, tant qu'à faire, je peux vous parler de Goon. Ouais, vite, on veut tes commentaires. Un coup de cœur, ça veut dire si t'en parles la semaine prochaine, non? Ben, honnêtement, c'était moyen. C'était pas aussi bon que ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment drôle, par contre, de voir l'acteur principal, Sean William Scott, dans un rôle comme ça. Lui, c'est Stifler, ça? Hein? C'est Stifler, ça? Oui, c'est ça, ouais. Exact. Ah, moi, je l'aime bien, lui. Il me fait rire. Mais habituellement, il joue des rôles de gars un peu fendants, mais là, oh mon Dieu, il est tellement drôle parce que c'est le gars qui bat tout le monde, puis que c'est vraiment le goon dans toutes les games de hockey, puis il sait pas jouer au hockey, il sait à peine patiner, mais... Mais il sait se battre. J'ai pas compris. Mais il sait se battre. Ouais, c'est ça, il sait se battre, mais en dehors de la patinoire, c'est le gars le plus doux au monde, tu sais... il s'excuse après avoir frappé un gars. Il est vraiment drôle. Fait que ça fait assez spécial de voir Sean William Scott dans ce rôle-là. Il y avait aussi Marc-André Grondin qui joue son coloc. Évidemment, au Québec, les pubs sont plus basées sur Marc-André Grondin que d'autres choses, je pense. Ah hein? Oui, probablement. C'est sûr pour que les Québécois aillent voir ça. Il y a Jay Baruchel, l'acteur canadien aussi là-dedans. Oui. Oui. Est-ce que tu as remarqué qui joue un des rôles féminins? Est-ce que tu l'as replacé quand tu l'as vu? Oh oui, c'est Kim Pine dans Scott Pilgrim. Exactement, j'ai trippé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ouais, fais d'autres choses, c'est cool. Oui, moi aussi, je m'en suis rendu compte. J'étais comme, hey, cette fille-là me dit quelque chose. Ben oui, dans chez nous, j'ai fait ma recherche. J'ai fait ça. Ah, c'est la fille dans Scott Pilgrim. Dans bande-annonce, c'est là comme une seconde écart, genre. Fait que j'ai fait comme, puis je suis allé voir, puis c'était bien. Ouais, c'est ça. Cool. L'histoire tourne pas vraiment. C'est sûr qu'il y a une histoire d'amour, évidemment, mais c'est très bref. Là. Ça tourne beaucoup plus autour de sa carrière dans le monde semi-professionnel de hockey. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé ça moyen. C'est très tiré par les cheveux, surtout à la fin. Là. Genre qu'il est tout magané, puis normalement, il devrait même pas être capable de se lever. Puis là, il se relève, puis là, il fesse tout le monde, en tout cas. Ouais, mais je pense pas que quand tu vas voir ce film-là, tu t'attends à voir de la réalité, là. Non, c'est sûr, mais là, c'était vraiment beaucoup trop, là. Quand vous allez voir la scène finale, dans le fond, là, parce que je veux pas gâcher le punch non plus, là, mais c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais c'est drôle, par contre. Il y a aussi Jay Baruchel qui est là-dedans, le Montréalais, qui est vraiment, vraiment drôle. Il est tellement cru, mais c'est vraiment, vraiment comique. Super, donc Goon! Voilà. Oui, Goon. Merci, Steph. Présent dans le cinéma. Merci beaucoup encore, oui, et on se retrouve mardi prochain à 7h30. Ça te va? Oui, mais je laisse parler une petite chanson à la fin. Ah, c'est vrai, t'as une raison. T'as une chanson. Voilà. T'es une chanson, Steph. Lala. Oui, oui, c'est Fanny Bloom qui sort son premier album solo aujourd'hui, qui s'appelle Apprentie guerrière. C'est ça, on la connaît pour La Patente Rose, qui a annoncé leur fin l'année passée. C'est assez différent de ce que La Patente Rose faisait. Selon moi, il manque un petit peu de folie. Dans La Patente Rose, par exemple, on se rappelle du cri que Fanny Bloom sortait à la fin de La Marelle, que le monde soit aimait ou détestait. La musique aussi avait un petit peu plus de folie. Les gars de La Patente Rose, qui sont aussi dans Mister Valère, aimaient jouer beaucoup d'instruments, mais même des fois, ils en fabriquaient. Alors, selon moi, il y a cet aspect-là qui me manque à l'album de Fanny Bloom. Mais c'est sûr, j'étais une fan inconditionnelle de La Patente Rose. Il va peut-être falloir que je m'habitue au nouveau style de Fanny Bloom. Mais j'ai quand même apprécié le premier single, qui est la chanson Parfait, Parfait. D'accord, on va aller écouter ça. Et là, on te remercie pour vrai et on termine ta chronique ici. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Merci, Steph. À mardi prochain. Merci, Steph. À mardi. Bye-bye. Fanny Blue met la pièce Parfait Parfait sur son album Apprenti Guerrière à Assemblage Requis. C'était dans le bloc Ton plat favori avec Stéphanie Gagné. Pour accompagner le plat favori, c'est toujours Les crudités de François-Olivier pour commencer. Oui, exactement. Écoute, je fais ça rapidement cette semaine. On sait qu'on est mardi, hein? J'espère qu'on sait. Et puis aujourd'hui, le 6 mars 2012, commencent les soirées mardi de la relève du côté du Grand Brinus. Et puis on sait, en fait, là, c'est une éternelle tradition qui continue à chaque année. Et c'est d'ailleurs la 15e édition cette année. Et je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de gros pour la 15e édition. Ben, c'est un anniversaire quand même assez important, le 15e. Oui, c'est ça, exactement. Même que le spectacle de fin d'année, je pense qu'on parle de faire un spectacle à l'extérieur. Donc, ça reste à confirmer. Mais je pense qu'on se dirige vers ça tranquillement. Et ce soir, pour le début, en fait, il y a trois bands. Hein. On sait c'est quoi le concours. À chaque semaine, c'est trois. Mais dans des styles différents tout le temps, un thème à chaque fois. Ouais, c'est ça, exactement. Un thème pour rejoindre, essayer de regrouper un peu les groupes. Essayer, c'est pas toujours parfait, mais on va ouais, c'est ça. Des fois, c'est pas évident non plus à regrouper les groupes qui s'inscrivent. Donc voilà. Donc ce soir, c'est 20 Liberty, Living Crush et puis 2611. Donc, ça se déroule à partir de 21h ce soir du côté du Grand Brinus. Évidemment, une personne de C'est Fou va être là pour aller juger de la prestation des artistes. C'est merveilleux, ça. Donc pour accompagner ça, tu vas nous faire entendre l'audio nom qui est gagnant de la... Qui a gagné, oui, c'est ça, exactement, de la 14e édition, donc soit de l'année 2011. Donc, on va aller entendre Métropole tantôt. Oui. Mais juste avant, on a le dessert délicieux de Mathieu. Est-ce que tu veux passer ta pièce tout de suite? Je sais pas, moi, je sais pas comment on fait ça. Ben, je sais pas, tu peux y aller. Ben, toi, c'était une pièce aussi. De la musique aussi. Ah, ben, vas-y, écoute, on va l'envoyer tout de suite. Ouais, on joue aux Zionautes, Métropole, et puis on revient avec mon dessert délicieux. À Assemblage Requis, dans ton plat favori. Ouh. Audionaute, la pièce Métropole qui était les gagnants. Regarde-moi pas surtout quand je te fais signe, regarde-moi pas. Non, mais je te voyais pas. Ben non. Je te voyais pas. Des gros signes de main comme un avion. Hey, tu penses-tu, il y a plein d'affaires que... Bon. Et en plus, t'as tes lunettes. Parle pas contre moi, j'ai des lunettes. Hey, t'as bien raison. Tu peux pas frapper un gars avec des lunettes. Mais Audionaute qui était les gagnants des Mardis de la Relève édition, la 14e édition. Donc voilà. Et voilà. Voilà, ça c'était les crudités de François-Olivier. Pour continuer, il y a toujours le dessert des déçus de Mathieu dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné qui s'étire là, pour toujours. On a commencé très très tard, donc on fait très très tard aussi. J'ai de mon côté quelques petits trucs à vous faire entendre. En fait, c'est spécial et j'ai de la misère à le décrire un peu. C'est TKRMX. TK Remix, si on veut, OK? Sur site web, c'est tkrmx.blogspot.com. Il y a aussi une chaîne YouTube. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Vous me demandez, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est un gars qui prend... c'est comme un genre de remixeur de rap. C'est le remixeur? Un remixeur de rap. Le rap, c'est pas mon genre de truc, mais lui, ce qu'il fait de particulier, ben, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres affaires, là, il fait des affaires avec Eminem, Superman, des niaiseries comme ça, là. Des affaires super commerciales, mais aussi, il prend des émissions, des chansons-thèmes d'émissions de télé et en fait des remix rappés avec les paroles de d'autres artistes. Yeah. C'est vraiment spécial. Juste pour te donner un exemple, on va entendre la chanson-thème de l'émission The Office nu. Donc, tout de suite, juste la chanson-thème telle qu'elle est dans la télé. C'est The Office pour commencer. Donc ça, c'est la chanson thème de The Office. Okay. Et ce que TK RMX fait avec ça, c'est genre ça. Là. Ça va être très différent. Donc évidemment la chanson Biggest Boss là, ça fait référence au patron dans The Office parce que The Office c'est une sitcom qui parle entre autres d'un patron un petit peu bizarre. Donc il prend tout un lien avec l'émission, mais le reste n'a absolument rien à voir là. Ça a fait une référence qui n'ont absolument rien à voir. Ceci, c'est les paroles de Rick Ross et T-Pain sur la chanson thème de The Office. Donc on écoute le reste, c'est après ça, on écoute une seule autre petite chanson, mais pour l'instant c'est ça. Il insère des petites quotes. Donc ça fait partie du tome 1 de TKRMX. Sur la compilation volume 1, il y a les thèmes de Matlock, Dog, X-Men, Power Rangers, Futurama, qui est vraiment très très bonne, mais j'ai pas le temps de la faire jouer. It's Always Sunny in Philadelphia, How I Met Your Mother, vraiment excellente aussi. Who's the Boss, là, tu sais, Madame est servie. Et Cheers. Et sur le volume 2, on retrouve entre autres la chanson thème de 30 Rock. On écoute la version nue pour commencer. Yeah. Et on se quitte avec la version TK Remix. Speech. First of all, I want to thank my connect. The most important person with all due respect. That's the duffel bag, the brown paper bag, the Nike shoebox for holding all this cash. Okay. Or should do for the badge. Okay. The first push you ever made is stash. The rock boys in the building tonight. Oh, what a feeling I'm feeling like. Thanks to the lames, niggas with bad name. Thanks to a little chain, I took you out the game. Bullet booze, stop your buffoonery. Thanks to the pastor rapping at your eulogy. The little kid in them, you know the women for who carry the work cross state for a gentleman. Yeah. Thanks to all the hustlers, and most importantly, you, the customer. The rock boys in the building tonight. Oh, what a feeling I'm feeling like. You don't even gotta bring your paper out. Be the dope boys of the year, drinks is on the house. The rock boys in the building tonight. Look at how I'm chilling, I'm killing this ice. You don't even gotta bring your purses out. Be the dope boys of the year, drinks is on the house. J'adore ça, je trouve ça génial. Donc ça, c'était... T'avais deviné quoi, toi? Moi, j'avais dit Kanye West. Non, c'est Jay-Z. Oui, et sur volume 2, on a parlé tantôt du volume 1, mais sur le deuxième, il y a entre autres Star Trek, Parks and Recreation, Doogie Howser, Family Ties, Family Matters, Dexter et un paquet d'autres émissions remixées en version rap avec plein d'artistes comme Jay-Z, Timbaland, Lil Jon, Jadakiss, Mary J. Blige, donc un paquet d'artistes rappés. Il prend les paroles et met ça sur des chansons thèmes d'émissions de télé. Ça fonctionne beaucoup mieux sur, comme on a entendu là, deux chansons qui n'ont pas de paroles. Là, c'est les versions qui ont des paroles. Il fait juste louper les bouts qui se ressemblent. Instrumentaux. Mais très beau travail, je trouve, de TKRMX. Le lien est sur assemblagerequis.com vers sa chaîne YouTube et vers son blog Spot. Voilà pour mon dessert. Les crudités, c'est fait. Le plat favori de Stéphanie Gagné, c'est fait aussi. Ça va être mardi prochain à 7h30 environ. Nous, on se quitte ici pour la fin de la première heure. Après l'Info Campus, on va avoir la chronique Zone Campus. Oui, exactement. On va faire le tour du journal Zone Campus. Le plus beau jusqu'à maintenant, je crois. Un des plus beaux. Facilement un des plus beaux. Ouais. Y aura aussi la chronique C'est un fait. Et puis Sébastien Dublud avec Va voir ailleurs, j'y suis. C'est dans la deuxième heure. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 6 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et cette deuxième heure est particulièrement courte, je trouve. Ouais, tout à fait. Il reste 45 minutes. C'est un 3 quarts d'heure, quelque chose. Alors, on va voir, entre autres, le survol du Zone Campus. C'est ce qui s'en vient tantôt. Je vois François déjà en train de lire certains des articles les plus intéressants. Ouais, que les plus intéressants. Le reste, tu t'en fous un peu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, bon, ils sont tous bons. C'est intéressant, ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que je m'en allais dire. C'est intéressant du début à la fin. Il est coloré en plus, presque du début à la fin. Il est beau, hein? C'est pas de couleur. C'est magnifique. Une des premières fois que ça arrive. La première fois. La première fois. C'est certain que c'est la première fois. Le max qu'on a eu, ça doit être genre 8 pages couleur max. Ouais. Donc, pour l'instant, écoute, on a créé un monstre. Et là, on retourne en arrière pour entendre le premier extrait de l'album L'Iceberg. Ça date d'il y a quelques mois, ça. Voici Je pleure ou je ris. Ça, c'est fou. Je pleure ou je ris, dont a créé un monstre à assemblage requis. Oui. Et maintenant, à 8h20, François-Olivier Marchand, est-ce que tu as envie de lire avec moi? Allons-y donc. On parle de quoi? On parle de qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on pourrait lire? Un petit roman à courte échelle? Une bande dessinée d'archives? Un journal? Lequel, mettons? Journal... Le meilleur journal en ville? J'en ai juste un en tête quand tu me dis meilleur journal, c'est le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Donc, Zone Campus avec en couverture la grosse grève, hein, la décision qui se prendra le 14 mars par rapport à la grève pour la hausse des droits de scolarité, etc., etc. Vous connaissez le dossier. Tout ça pour dire aussi, parce qu'on doit le dire une fois par jour, on n'est pas en grève en ce moment. Non, exactement. La décision, comme tu viens de le dire, en fait, va être prise le 14 mars. Mercredi, ça va être au CAPS. Après la relâche. Ouais, c'est ça, exactement. À 6h30, donc... Le soir. 8h33, ouais, c'est ça, exactement. Arrivez pas le bonheur le matin, les filles sont pas si longues que ça. Non, vous allez attendre longtemps. C'est pas pour acheter une TV au Boxing Day, ça. Allez-y, là. Ce soit pour ou contre. Allez voter, allez vous exprimer. Écoute. C'est un peu votre devoir. La démocratie. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, voilà pour la une. Allons-y donc pour la page suivante, c'est-à-dire la transition qui est prévue pour le printemps, à la Chasse-Galerie. On parle des deux nouveaux gérants et assistants-gérants. Marie-Christine Derry est assistante gérante et monsieur Jean-François Bourassa est gérant de la Chasse-Galerie. Mais Marie-Christine Derry le faisait de par intérim depuis le départ de son précédent... C'était Belle. Belle, oui. Belle. Il y a d'autres syllabes après ça, je ne me rappelle juste pas. Non. On parle des bourses Fernand Séguin pour les journalistes scientifiques en herbe. Il y a aussi l'école d'ingénierie qui élargit ses horizons avec une nouvelle concentration en génie mécatronique, François. Mécatronique, mais qu'est-ce que ça mange, ça? Je ne sais pas, ça étudie les mecs comiques, je pense. Hein? Voir comment ils sont rendus là dans leur carrière. Le projet d'intervention communautaire, le cirque débarque en ville. C'était le cabaret apocalyptique qui, je crois, a eu lieu la semaine passée, si je me rappelle bien. Ouais. Est-ce que c'est possible? Parce que je suis... Non, je suis plus sûr. C'est pas grave. Je vois pas dans le début de l'article, c'est écrit. Je m'avance pour rien, là, j'oublie ça. Études de recherche de la réalité virtuelle pour contrer les troubles du comportement alimentaire. C'est une professeure au département des sciences de l'éducation, Johanna Montuy-Blanc, qui est derrière ça. Dans son texte d'opinion, en pleine face, Simon Fitzbé parle de débattre avec des imbéciles. Les imbéciles sont partout dans notre société. Ils se retrouvent autant sur la place publique que dans le privé. Ils nous servent au restaurant, ils enseignent à nos enfants, ils font de la politique ou écrivent des chroniques dans le Zone Campus. Selon certains. Selon certains. J'adore ça. Il nous reste encore une page d'actualité. Sœur Estelle Lacourcière qui va laisser sa marque, une pionnière de l'UQTR qui est honorée par entre autres la rectrice Nadia Ghazali lors du dévoilement ici sur la photo. On parle de Tribune Libre qui s'en vient le 15 mars prochain. C'est le retour d'Amir Kadir à l'UQTR pour cette... Je pense qu'il va y avoir du monde. Je pense que ça va être une de leurs plus populaires, sinon la plus. Bourses d'initiation à la recherche au premier cycle on dit ici que c'est payant dans un CV. Voilà pour les actualités. Voilà, merci Mathieu. Du côté de la société, de la rubrique société, on a Marie-André Gauthier qui nous parle de la relation des femmes avec le pouvoir. Tu diriges comme un homme. Donc voilà, elle nous parle du pouvoir et les femmes et puis tout ça dans l'article. C'est toujours immanquable ces chroniques de toute façon. Oui, exactement, et ça fait réagir. Donc. Tout le temps. Tout le temps. Surtout sur le blog. D'ailleurs, vous pouvez aller commenter sur le blog du Zone Campus. Zonecampus.ca. Et puis, un autre qui fait réagir, Jean-François Veilleux, et qui avec nous apporte 10 raisons de se révolter contre Jean Charest. Donc, je pense voilà. Mais que vous l'aimez, Jean Charest ou pas, c'est bien de le lire. Exactement. Et Sébastien Dulude, parlant de gens qui font réagir, je vous jure, la section société sur le blog, c'est en feu, on fire. Sébastien Dulude, l'article a été posté sur le blog vendredi passé, comme à toutes les deux semaines. Et puis, il y a déjà, je crois, au moins 5 commentaires sur cet article-là qui parle des 5 secteurs parmi les plus moches de Trois-Rivières. Il parle entre autres du Gérontoplex. Le Ludoplex. Ouais. Très, très drôle. Deux textes d'opinion dans la... Excuse-moi, je t'ai volé ta section, hein? Ben ouais, c'est ça. C'est ça que je m'apprêtais à dire. T'es complètement volé. Mais Sébastien Dulude, est-ce qu'il nous parle de ça tantôt, non? Oui, on l'entend tantôt dans l'émission à 8h30. OK, formidable. Et du côté d'opinion, en fait, on a le texte de Jasmine Raymond-Dréville qui, d'ailleurs, nous l'a fait live à la radio. On l'a usé pas mal, son texte, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, il y a aussi Nabil Ramla qui, avec un texte d'opinion, qui accuse Monsieur Charest, Jean Charest, de plein de choses. Donc, allez lire ça. Très intéressant. Tout le temps très intéressant, les textes d'opinion. Toujours, on aime ça les recevoir. Allez sur de la population. Et voilà. Allez sur lezonecampus.ca, il y a une section pour laisser vos textes d'opinion. Comme je t'ai volé la moitié de ta section société, fais donc la moitié de l'heure spectacle. Bon, OK. On a Marie-Michel Caron qui nous parle d'un match très spécial d'improvisation. qui s'est déroulé d'ailleurs le 22 février dernier. L'occasion idéale pour déléguer à l'épreuve d'improvisation de développer leur capacité d'apprivoiser la patinoire. Donc, très intéressant. Patinoire d'improvisation, on aime oui, ça. Oui, c'est ça, exactement. Le concept de la patinoire est cool. Et d'ailleurs, si vous allez voir la huître ouais. ici, vous remarquerez sur la bande... Et le logo de C'est fou? Oui, le journal Zone Campus. Non, les c'est deux. Dit. Et c'est très bien fait. Oh, wow! Ouais, et c'est très, très, très joli. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Et puis, on parle d'une soirée de danse à la Chasse-Galerie. D'ailleurs, Angélie nous en avait parlé la semaine dernière. Ça a bien été, une belle réussite. Donc, l'article est en page 10. Donc, voilà, Mathieu, je te laisse ça. Encore un autre article sur la Luitre. Cette fois-ci, un match régulier de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. La Luitre était chargée à bloc pour la Coupe Trois-Rivières qui a débuté à la Chasse-Galerie de l'UQTR le lundi 20 février. On parle des futures soirées cachées, c'est fou. Hein? Un groupe d'étudiants au baccalauréat en loisirs, culture, tourisme de l'UQTR vient de mettre au point un tout nouveau projet qui consistera à faire découvrir la beauté et la richesse de la culture d'ici par une expérience unique. Le projet des soirées cachées, c'est fou, est lancé et la première est prévue pour le 12 mars prochain. Vous avez sûrement entendu les publicités sur nos ondes. Il y a un groupe Facebook aussi, Soirées cachées, c'est fou. Vous allez savoir éventuellement... Oui, il y a plus d'informations sur le groupe Facebook des soirées cachées. Écoute, ça se déroule le lundi, le 12. T'essaies de me couper parce que je t'ai coupé tantôt. Non, non, non, non, non. Non, je voulais juste rajouter un peu d'informations. Écoute, je sais pas si on a le droit de le dire, mais je pense qu'on pourrait se gâter un peu. On peut se gâter sur quoi? Est-ce que tu veux pas annoncer le groupe? Là? Ben, je pense qu'on pourrait. Est-ce que t'as le droit de faire... C'est supposé être une soirée cachée, là. Ça enlève un peu les secrets, là. Non, je sais, mais c'est parce qu'en annonçant le groupe, je pense qu'on pourrait y rejoindre... Ah ouais? OK, ben... attirer les gens. Ben, c'est ça. C'est chacun ses façons de voir. Écoute, demain, tu vas m'informer aujourd'hui, là. Parfait. Si j'ai le droit ou si j'ai pas le droit. C'est merveilleux. C'est un beau concept et puis ça risque d'être une belle réussite. On a peut-être entendu plus tôt dans l'émission. Peut-être. Je me fais vraiment mal à la gorge en faisant ça. Attends. Ne pas parler comme ça, note à moi-même. Donc toujours en arrêt spectacle, un happening. On dit pas un happening parce que c'est un H, un happening. Un happening. Un happening, t'es grave. Incroyable. Une nappe intrigante. Non, un gros happening qui s'appelle Motif Exoticos. C'est un grand happening qui a lieu le 17 mars prochain à l'église Sainte-Cécile. Ça a l'air très intéressant. Il y a là-dedans, entre autres, de la musique électronique, des percussions, du cirque et des arts de la rue. Quand même pas pire. Oui, exactement. Et puis, je pense que Danny Janvier va jouer. Hein? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai entendu dire moi aussi. C'est tout à fait ça. Danny Janvier qui a déjà... Joue Bazar. Ben, exactement. Exactement. On revient sur le spectacle d'Adam Cohen. Évidemment, le fils de l'autre. Le fils de l'autre, Cohen. Ben ouais. Exactement. On revient aussi sur l'artiste multidisciplinaire, toujours on va dire, So Called, qui est en spectacle à la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la Culture le 23 février dernier. On parle du fait que l'UQTR en spectacle, en fait, UQTR en spectacle s'en vient très bientôt. On est toujours en période d'inscription, je crois. Si je me rappelle bien. Donc, ça va être la 8e édition de la compétition UQTR en spectacle qui s'en vient. Un total de 8 participants qui seront de la compétition le 15 mars. Donc, non, la période d'inscription est terminée. Ça va être, c'est déjà déterminé. L'entrée en scène est prévue pour 19h le 15 mars prochain. Lancement de l'album d'Audionaute dont on parlait tantôt. On en parle aussi dans son campus avec une belle photo. Ils sont parmi les malchanceux à tomber dans nos 4 pages de noir et blanc. Ouais. Là, c'est là que ça revient un peu... C'est comme privilégier certains, mais on n'a pas le choix de mettre quelque chose en noir et blanc. Non, c'est ça exactement. C'est quand même juste les gars du band en train de sourire à la caméra. Là. C'est pas des œuvres d'art qui méritent de la couleur. Là. Non, mais ils font de l'art. C'est de l'art, ouais, mais c'est de la c'est une guitare. C'est pas comme les peintures. Non, mais la musique, c'est de l'art. Tout à fait. On se contredit pas là-dessus. C'est la photo. Les 40 ans de passion de la Galerie d'art du Parc. On parle de la nouvelle exposition au centre d'exposition Raymond Lanier qui présente ce mois-ci deux nouvelles expositions plutôt inusitées. C'est Toc du collectif Les Sept Cabanes et Boucle Loops de Serge Marchetta. C'est jusqu'au 18 mars. Qui ça? De Serge Marchetta. Marchetta. On parle du plus récent album de Cire Pathétique aussi dans la section arrêt spectacle. Voilà. Cire Pathétique d'ailleurs qui est un trifluvien de souche. Et voilà. Hein? Et voilà. Donc merci Mathieu. Du côté des sports, écoute, je peux quasiment t'en laisser à moitié si tu veux. Ça va aller. C'est cool, les sports, il se passe plus grand chose à ce moment-là. Non, c'est ça exactement, c'est ce que je m'allais dire. En fait, c'est la fin de saison, on parle de fin de saison hockey, fin de saison de soccer aussi, donc ça y va en diminuant. Mais à la page 16, en fait, on parle de fin de saison difficile pour le soccer féminin. Donc, les Patriotes soccer féminin, c'est fin de saison difficile. Et on parle du succès d'Alex Gélina, qui va être le seul représentant masculin de l'UQTR à se qualifier pour le championnat canadien de natation à Montréal. Ah. Il a réussi à battre ses records personnels aux 50 et 100 mètres style libre. Donc, d'ailleurs, moi, j'étais un piètre nageur, donc sûrement qu'il me dépasserait trois fois dans la même course. Ah. Mais c'est ça qu'il te faut, toi, du style libre, parce que tu fais n'importe quoi. Ouais, non, quand c'est ça. Dans l'eau. Ah, non, j'ai de la misère, en fait... Mais je suis capable de nager. Ça se fait, ça. Oh oui, oh oui. Puis je suis capable. Ben, sur le dos, ouais, non, sur le dos, je suis capable. Ah ouais, mais ça, non, moi, non. C'est une grande fantaisie. Moi, c'est le côté du pas profond. Le côté de la pataugeuse, là. Non, mais t'es capable de nager. Non, mais c'est pas non. Sinon, il y a des swimming. Oui, oui, ben oui. Mais à ton âge, ça a l'air un peu bizarre. Ou les petites chaises là, flottantes. Ouais, ouais, ouais. Où tu peux mettre ton drink. Ça, tout le temps, très apprécié. C'est toujours un drink. Près du soleil, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, voilà. Je fonds. Ah, je fonds. Ah. Avec le soleil. Comme une sorcière. C'est de l'eau, je pense. Ouais, tu manges pas d'ail non plus. C'est ça. Ça, c'est les vampires. Tu mélanges Roger Rabbit, les Twilight. Dracula, puis Twilight. Pour ça, tu te fais teindre les cheveux. C'est ça. Tout compris. Non, ils sont pas teints. T'as pas taillé dû? T'as pas taillé dû? Tes cheveux? Non, c'est pas taillé. Mais non, c'est des vrais. Des vrais. Hey, hey. On parle de quoi? On parle de sport. Je suis sûr, là. Ouais. Ouais. Donc, retour à domicile pour les Patriotes soccer masculin. Les Patriotes ont bien fait en défensive et on parle d'une autre victoire pour les Patriotes soccer masculin. On parle aussi d'une formation universitaire de badminton à l'UQTR, possiblement. Deux étudiants en kinésiologie s'illustrent. Bonne idée, ça, quand même. Oui, c'est ça, exactement. C'est les étudiants Mélissa Léveillé, Bobby Robida. Ce dernier est bien connu pour ses performances en cross-country. D'ailleurs, t'en parlais en début d'émission. Et pour son nom, tout à fait, c'est ça, oui. Qui ont rapporté les honneurs en janvier dernier lors d'un tournoi de badminton civil du côté du Québec. Et ça, j'adore le badminton. Hein. C'est un très beau sport. C'est le fun, oui, pour vrai. Ouais, vraiment. Un des sports que je suis capable de jouer un peu. Non, c'est ça, exactement. Ça se fait bien. C'est quand même demandant, évidemment, pas trop. Tu joues chill, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas de compétition avec moi. C'est ça, exactement. Tu gagneras jamais. Et puis, on a aussi la chronique d'une foulée à l'autre de Maxime Bilodeau qui nous parle du dopage. Article intéressant. Toujours lui. Toujours. Ben, comme oui, toujours. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, section couleur hein, aussi. On peut voir une belle photo. Ça y a donné une face verte un peu, mais quand même. Oui, et puis, on parle de la série éliminatoire au hockey. Évidemment, les Patriotes hockey. Là, c'est sûr qu'en fait, on parle que les Patriotes qui ont remporté la série face aux Rams. Mais les Patriotes ont perdu contre McGill. Donc... MC Gilles. Voilà. Et d'ailleurs, Nicolas Duchamp m'a écrit concernant, en fait, hier... Nicolas Duchamp de l'Écho de Trois-Rivières est chroniqueur à l'émission Assemblage Rocky les lundis matin. Oui, c'est ça. Effectivement, il nous disait que le match compte pour les Patriotes. Et finalement, dimanche à 14h, mais au Colisée. Ah! Donc, il nous disait que... Il y avait un conflit d'horaire, il était obligé de jouer dans une petite salle miteuse. Exactement, exactement. Mais non, c'est confirmé. C'est dimanche, 14h au Colisée. C'est parfait, ça, François. Donc, voilà pour le journal Zone Campus. En kiosque du 5 au 18 mars 2012, sur le site numéro 13. Retrouvez certains des articles et commentez-les, partagez-les sur Facebook et Twitter et imprimez-les. Je pense qu'il y a même un icône pour l'envoyer par fax. Sur zonecampus.ca. L'envoyer par fax? C'est pas vrai du tout. Zonecampus.ca. Journal qui est 16 pages couleur sur 20. Hein, ça tâche plus les doigts. Mais ça vaut la peine. Trouves-tu que ça attache un peu un plus? Un peu. Ouais, moi aussi. Mais c'est le fun, par contre. Ouais. Ça vaut la peine. Ouais, pour un journal, c'est ça qu'il nous faut. Parce qu'à un moment donné, avec les iPads, là, tout en couleur, ça fait ouais. Pas de noir et blanc sur l'iPad. Non. Fait qu'il faut bien évoluer à quelque part. Ouais. Donc, disons qu'en plus, un journal qui vous concerne, bien évidemment. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky. Il y a eu à 8h33 minutes à peine. Là. L'émission, il nous reste même pas 25 minutes. Tu regardes ça? Non, ça va vite. Il nous reste la chronique de Sébastien Dulude, Va voyager, j'y suis. Et aussi la chronique C'est un fait. Alors, restez avec nous. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu Plante. François, Olivier Marchand. 8h36 à Assemblage requis. L'émission va de bon train. Est-ce qu'on dit va de bon train, file de bon train. Ça va bien. Good c'est ça train qu'on dit. Hey, raccroche-nous le téléphone. Tchou tchou. Hey, j'ai même pas. Ben là, raccroche-le, toi. Veux-tu appeler quelqu'un? Non. Rappelle Steph. Rappelle Steph. Vas-y. C'est quoi son numéro? Veux-tu faire un coup de téléphone? C'est ton genre de. Je sais que tu m'avais dit que t'aimais ça, les coups de téléphone. Ben, j'aimais ça quand on a fait le Movember. Les moustaches, ben oui. Ça avait bien été. Oui. Puis. Bon. On n'a jamais refait ça. Comme si on n'avait pas aimé ça, t'sais. Hein? Pense-y. T'appelleras quelqu'un. Aujourd'hui ou demain? Quand tu veux. Demain. On fait un coup de téléphone. Parfait. Saisis. Donc pour l'instant. Bon, on fait du bien, ça pourrait être. Oh, Colin. Hey, tu les as en nombre, par exemple? Ouais. Il va le savoir. Ouais, c'est laisse une chance ça, ouais. De se préparer. On va voir. Bon, donc toujours Assemblage Rocky, c'est Sébastien Dulude qui s'en vient tout de suite avec sa chronique et va voir ailleurs, j'y suis. Marte. bonjour, ici Sébastien Dulude et cette semaine à ma chronique Va voir ailleurs, j'y suis, je vous parle d'urbanisme. Oui, 5 secteurs parmi les plus moches de Trois-Rivières et c'est une gracieuseté de ma voix de grillon exterminé que je vous livre donc mes impressions sur le sujet. Voyez-vous, je suis tanné qu'on se moque continuellement des quartiers Sainte-Cécile, de la petite Pologne aussi, qui sont pourtant vraiment pas dénués de cachets. Il y a du charme architectural dans ces quartiers-là. Puis en même temps, Trois-Rivières, ça regorge d'endroits qui sont complètement moches et qui sont habités sans gêne. Alors voici mon top 5 des aberrations esthétiques en matière d'urbanisme trifluvien. Numéro 5, le Ludoplex. Lorsque la fin de l'époque des courses à chevaux à Trois-Rivières a sonné, moi, j'avais vraiment espoir de voir le boulevard complètement transformé. Ça aurait pu offrir une voie d'accès totalement rajeunie entre le centre-ville et l'université. Imaginez un peu que ce tronçon aurait pu être progressivement comme peuplé de petits commerces sympathiques. T'sais, des cafés, des restos, évidemment, mais aussi des librairies, pourquoi pas n'importe quel petit commerce à plus petite échelle qui rendrait le passage entre le centre-ville et l'université plus agréable. Ça ferait enfin un quartier universitaire élargi qui pourrait même, à la limite, rejoindre le centre-ville et ça amènerait un vent urbain à l'UQTR et en plus un afflux de jeunesse étudiante au centre-ville. Mais c'était sans compter le génie de visionnaires qui se sont dit que l'emplacement serait plutôt idéal pour un beau gros casino qui plairait vraiment beaucoup aux visiteurs du Grand Prix une fois par année. Une fin de semaine par année même. Mais le Ludoplex était né avec ce grand concept derrière eux. Malheureusement, ça a commencé à opérer assez rapidement à perte, hein? Malgré le fait que Jean-François Bastien, notre ami à tous, grand artiste de la région, lui s'y produisait régulièrement. Là, il vous chantait une belle petite chanson par-dessus votre steak, patate aux fours, salade César. Mais malgré tout, on a senti qu'il faudrait une clientèle plus stable. Alors, ce serait encore mieux même si cette clientèle-là demeurait juste de l'autre côté de la rue. Tiens, le Gérontoplex était né. Parlez-moi d'une revitalisation. Numéro 4, le Rochon. Le Rochon, évidemment, c'est un terrain glissant. C'est pas un sujet dont on traite avec la même légèreté. Mais laissez-moi vous dire qu'à côté du Rochon, il y a des réserves indiennes qui ont l'air de resort 5 étoiles. C'est un quartier, ça, qu'on a volontairement défavorisé. Je le dis, c'est volontaire. On l'a isolé, stigmatisé et condamné à l'aide sociale chronique. On aura beau le rénover dans les prochains mois, ça ne pourra jamais que masquer la grossière erreur d'avoir bâti un quartier de HLM dans un secteur marginal, loin des regards. Troisième position, le boulevard Jean 23. Celui-là, je l'ai. Moi, j'en voudrais toujours à la saucisserie. Connaissez la saucisserie? Mais ils ont déménagé de leurs locaux initiaux, qui étaient situés tout près de l'UQTR. Là, actuellement, c'est la très belle épicerie, le marché Alfara, vous savez. Donc, ce marché marocain qui est rendu à cet endroit-là. Mais la saucisserie, eux, ont décidé de se relocaliser sur Jean 23, en plein cœur de ce que j'appelle Moronville, là, pour rejoindre la masse, quoi. Mais c'est que passé l'intersection de la côte Richelieu, l'automobiliste moyen devient un spectaculaire danger public. Ça, c'est vraiment bienvenue à Trois-Rivières-Ouest. C'est ahurissant qu'il y ait une piste cyclable sur cette rue-là, Jean 23, dans un secteur commercial où il y a des dizaines de stationnements pour automobiles qui sont comme contigus, mais ils communiquent pas entre eux, ce qui force les voitures à opérer des manœuvres ridiculement périlleuses pour passer genre du fleuriste au club vidéo, à Espace Bell, à la SAQ, au Pet Shop, au Ticoc. Moi, ma seule raison d'aller sur Jean 23, c'est le fait qu'il y a un seul poissonnier à Trois-Rivières et c'est sur le boulevard Jean 23. Puis mes merguez, laissez-moi dire que j'y prends plus à la saucisserie. Je m'en vais chez Alfara. Numéro 2, la rue Louis-Pinard. La rue Louis-Pinard, c'est un incontournable du loyer étudiant. À une seule question près, pourquoi? Étudiants de l'UQTR, portez bien attention. Saviez-vous que pour le même prix mensuel, vous pourriez demeurer à la même distance de marche de l'université? En plus, vos armoires de cuisine pourraient ne pas être en mélamine jaunie. Un chez-vous abordable où vous ne pourriez jamais deviner ce que mange le voisin, c'est possible, vous savez. Et puis, savez-vous qu'il y a absolument personne de cool qui a du tapis sur ses planchers dans son appart? Si on peut faire la grève et avoir un iPhone, on peut aussi avoir un appartement abordable qui n'est pas situé dans un demi-sous-sol d'un immeuble infect qui sent la cigarette, la sueur et le weed puis qui est habité par des geeks, des livreurs de pizza puis des pédophiles. Et mon numéro 1 des aberrations esthétiques en matière d'urbanisme trifluvien, le bas du cap. Rien ne peut rivaliser la laideur du cap de la Madeleine lorsqu'on y arrive par le pont du Plessis. J'ose absolument pas imaginer la réaction de Charles de Gaulle aux splendeurs de la rue Fusée lors de son célébrissime parcours du chemin du roi. Ah, la mercerie pour hommes, le Canadian Tire, le Rock'n'Roll Pizzeria, lui est quand même bon. La brocheterie, la rôtisserie, le bar-billard Labazie, le bijou gramme, une espèce de pawn shop déguisé en bijouterie, genre très très louche, des salons de coiffeur à pelleter, un liquidation bougon, un Dairy Queen, un McDo. Tous les ingrédients, finalement, d'un environnement qui donne envie de sniffer de la colle à longueur de journée. Eh hey, ben ça tombe bien de la colle, on en vend au magasin de vitrail pas trop loin. C'était ma chronique Va voir ailleurs, j'y suis. On se reparle dans deux semaines. Ah, Sébastien. Merci, Sébastien. Quelle excellente chronique, comme toujours. En direct du studio de C'est fou. Oui, salut, ouais, Seb. Salut. Ah, il est déjà parti. Oups, Colin. Quand il a fini, lui, ah ouais. C'est comme dans les talk shows quand l'invité se lève puis s'en va alors que on n'est pas encore rendu là. Non. Merci. Donc, Sébastien Dulude et Va voir ailleurs, j'y suis. Dans deux semaines, on va reprendre le rythme du journal Zone Campus parce que depuis le début de l'année, on était en retard d'un numéro. Là, là on a repris le lousse. Ouais, c'est ça, exactement. Là, on arrive d'un thème. Et Marie-Pierre Lafourche-Bourret sera là la semaine prochaine pour compléter la roue. Voilà. Fantastique. Merveilleux. Donc, on transitionne graduellement et tout à fait subtilement entre Va voir ailleurs, j'y suis et l'excellente chronique C'est un fait que voici à l'instant. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, François. Et aujourd'hui, c'est spécial Quickie Edition. Oh, oh, oh. T'es toujours impressionné par les Quickie Edition. Ah ouais, écoute, ta rapidité me laisse perplexe. C'est clair. Ça veut dire que les humains partagent 55% de leur ADN avec... un crapaud. Non, des bananes. Ah, des bananes. Il y a plusieurs choses avec quoi on partage notre ADN, mais 55% avec les bananes. OK. C'est quelque chose. Ah oui, quand même. Le real tennis, c'est du vrai tennis. C'est la première version qui existait du tennis, ok. Et on joue encore au real tennis aujourd'hui. C'est pas les mêmes règles, c'est pas le même format. Il y a seulement 47 courts de real tennis dans le monde. Ok, François. Et si on va sur Wikipédia, évidemment, vous allez pouvoir en savoir plus. On appelle ça le sport des rois. C'est un genre de sport à raquettes d'intérieur. Et puis ça dit qu'est-ce que ça dit sur ça? On appelle ça le courte-pomme en France. Le courte-pomme. On appelle ça le tennis royal en Australie. Bref, allez vous renseigner sur l'assemblagerequis.com, c'est intéressant. Tu sais, on voit souvent le symbole RX. Tu sais, RX, on voit ça sur des pharmacies des fois. Rexall? Comment? Rexall, non? Rexall, qu'est-ce que ça veut dire selon toi, Rexall? C'est comme Jean Coutu, là. C'est comme le nom d'une pharmacie pour toi, RX, c'est ça? Ouais, exactement. Mais, c'est même un nom de stade de Edmonton. Rexall Place. Peut-être aussi, mais c'est pas de là que ça vient, en tout cas. Il y a une origine plus loin que ça. Ça vient d'où? RX, c'est l'abréviation du latin. D'accord? Du latin, c'est recipere. Ça veut dire prendre. To take. OK. Donc, dans le temps que la plupart des gens en Europe utilisaient le latin, les commandes du docteur commençaient par R. Ben, c'est pas RX, là, c'est comme un R avec une patte dans la barre d'en bas, là, mais on le met RX parce qu'on sait pas comment utiliser cette touche-là de nos jours. Les pharmaciens ont commencé à mettre ça sur les contenants de médicaments pour donner l'instruction aux gens de prendre une pilule à un certain moment. Ah, bien. Mais c'est pas Rexo-Saxo. Rexall. La barbe d'un homme pousse en moyenne d'un pouce à chaque 8 semaines. OK. Donc, ceux qui ont des longues barbes, calculer ça en nombre de pouces, là, c'est long. Ouais, mais dis. Faut de la volonté, pas mal. Mm-hmm. Dans la Bible, on retrouve 7 suicides. Dans la Bible? Dans la Bible. On compte 7 suicides. Oh. Eh bien. 97% de toutes les personnes à qui on offre un nouveau crayon ou qu'on fait juste leur passer un crayon pour l'essayer, qu'est-ce qu'ils vont écrire? Je sais pas. Leur nom. Ah. 97% des gens vont écrire leur nom. On sait pas pour les trois autres. Mais c'est d'autres choses. Okay, n'importe quoi. I love you. Le nom de leur copain, copine. Peut-être. Il y a un homme de 28 ans à Winder, en Géorgie, qui a appelé le 911 le mois dernier pour dire au 911, je suis invisible. Et là, le 9, selon la police, ben évidemment, il était pas invisible. Ou non, ils l'ont pas vu. Ben, ça me surprend qu'il ait envoyé quelqu'un, tu sais. Ben, tu sais, tu dis, le gars est complètement disjoncté, là. Il... peut-être qu'il va se faire de la drogue dure, là. Peut-être bien. La girafe, la girafe mâle, détermine la fertilité de la femelle en goûtant son urine. Si ça passe le test du goût, ça continue, le flirt continue. C'est génial. Ouais. J'ai pas ça. Tony le tigre, la mascotte des Frosted Flakes, d'accord, a battu Newt le gnu. Gnu, c'est une sorte d'animal. Elmo l'éléphant. Katie le kangourou. Elmo l'éléphant. Elmo l'éléphant et Katie le kangourou pour devenir la mascotte de Frosted Flakes. Tony le Tigre a gagné ce concours-là. Oh. Et ouais. Ça, je savais pas. Battu. Ouais. Sinon, toujours dans C'est un fait, version Quickie Edition, dans les années 20, plusieurs groupes ont demandé, des groupes de lobbyistes, ont demandé d'avoir un calendrier avec 13 mois. Chacun avait 4 semaines pour que ce soit plus égal. Parce que là, t'as 28 jours en février, t'as 30 jours, 31 jours, nanana. Ils voulaient faire un calendrier de 13 mois avec 4 semaines exactement de 7 jours chaque. Et pour se rendre à 365 jours, parce que ça arrive pas juste, là, si on fait, et là, moi, avec mon extrême talent mathématique, là, 13 semaines de fois 4 fois 7... Ça fait 364, OK? 364. Ouais. Pour avoir le 365e jour, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils voulaient ajouter le 0 janvier. Ben non. Le 0 janvier, toi. Hein? Ben. Pourquoi pas le 32 décembre? Tu sais que ça va bien. 32 décembre. On pourrait faire une petite chanson avec ça. 0 janvier. Mais justement, sautons à un autre fait qui a rapport avec ça. Pourquoi? Et là, c'est pas un quickie, celui-là. Je l'avais gardé pour la fin parce que c'était pas un quickie. Mais savais-tu que les années bisextiles ne sont pas à chaque 4 ans? Non. C'est pas ça, hein? Avoue que tu apprends quelque chose, hein? Ben, c'est à chaque combien d'années? Ben, c'est à chaque 4 ans, mais pas à toutes les chaque 4 ans. Tu comprends le genre? Donc, allons-y avec l'explication. C'est que les années... on commence. Les années qui sont divisibles par 4 contiennent une journée additionnelle. Les années qui sont divisibles par 100 ne contiennent pas de journée additionnelle, excepté si cette même année-là est divisible par 400. Ce qui veut dire que dans une période de 400 ans, il y a seulement 97 années bisextiles et non pas 100. Est-ce que tu me suis jusque-là? Non. C'est un peu... Ben, est-ce que tu m'écoutes? Ben oui, je t'écoute. Okay. Est-ce que tu veux que je recommence? Non. Non, parfait. Donc, si ça a l'air confus, c'est parce que notre calendrier est un petit peu confus. Donc, une année normale a 365 jours, mais une année complète, ça mesure environ 365 jours et 6 heures. Donc, après 4 ans, on ajoute 24 heures de plus pour ajuster le calendrier. Par contre... Ben, c'est sûr que ça, on parle du 29 février. Mais par contre, c'est que c'est pas exactement 6 heures. C'est quelque chose comme 5 heures 49 minutes 16 secondes. Donc, pour compenser pour ça, calendrier n'ajoute pas de journée bisextile à la fin d'un siècle, sauf si cette année-là est divisible en 400. Okay? Ce qui veut dire que l'année 1900 n'a pas eu de journée bisextile, l'année 2000 en a eu, mais l'année 2100 en aura pas. Même si c'est aux 4 ans, tu sais. Ouais. Tu vas en skipper une, t'en sautes une complètement. Et ça, c'est parce que 2000 peut être divisé par 400. Tu sais, les ordinateurs le prennent en charge, hein? Oui, oui, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et l'article est sur assemblagerequis.com si vous voulez vous remettre un petit peu dans le bain de ce calcul mathématique-là. C'est bien. Faut écouter les médias pour savoir si on en saute une ou on s'en saute pas. C'est déjà c'est difficile bizarre, de savoir c'est quand qu'il y a un 29 février. J'avais jamais entendu ça. Mais c'est pour ça que j'en parle. Je trouve ça vraiment intéressant. Dans un sondage de 60 Minutes et Vanity Fair le mois dernier, 2% des Américains pensaient que le prénom de Mitt Romney, OK? Là, on parle de 2% des Américains qui pensaient que le prénom de Mitt Romney était Mittens Romney. Mitten Romney comme un petit chat, tu sais. Et seulement 6% du public américain savait que son prénom était Willard Romney. Willard. Willard Romney, si vous voulez l'appeler comme ça. Vous pouvez l'appeler Will, Willy, Billy, Bill, William. Ah oui, Romney. Romney, tout court. C'est pas mal mieux, ça. Est-ce que tu connais l'acteur Jonah Hill? Non. Joué dans plusieurs films de Stoner, entre autres. Et... Non, c'est pas. Les acteurs, moi, je n'ai pas de référence. Il est dans le film là, où des policiers s'en vont infiltrer une école secondaire en ce moment. T'as sûrement vu la bande-annonce de ça. Ah, ouais. Bref. Donc, le père de Jonah Hill. Laisse faire. Qui, ça? Jonah Hill. C'est qui, ça, Jonah Hill? J-O-N-A-H. C'est qui, Hill. Tape le nom sur Google. Ben non. Son père, c'était un comptable. Et le comptable de Guns N' Roses. Son père était allé en tournée avec le band. C'est quelque chose. Mais tape son nom, Jonah Hill, tu vas voir quand même, c'est ça. Emma Stone. J'ai pas l'extrait de sa voix, mais je sais pas si t'as déjà entendu parler Emma Stone dans des entrevues. Ou si t'as peut-être vu des films avec elle. Tu sais c'est qui Emma Stone? Non. Google-moi ça. Emma Stone. Ça surprise. Jolie jeune dame hollywoodienne. Oui, une de mes préférées, je l'adore. Donc sa voix, elle a une voix particulièrement rauque. Une genre de Gabrielle Legrasse, là, mais hollywoodienne. Tu comprends? Okay. Donc elle dit de sa voix qu'elle a eu des coliques entre 0 et 6 mois. Donc, elle a crié vraiment, vraiment fort. Ça a créé des nodules qui appellent sur ses cordes vocales. Donc, elle a ses cordes vocales. C'est ça qui fait qu'elle a une voix rauque. Quand même jolie, par exemple. Hein? Très jolie. Oh, ouais. Belle voix. J'aime bien sa voix. Moi. Ouais. Gabrielle Degrasse aussi, tu sais. Voix différente. Très belle voix, je trouve. Déclaration d'amour aussi. Là. Comment t'as dit? Déclaration d'amour. Ici. Déclaration d'amour pour sa voix, c'est correct. En 1998, Miss Piggy a sorti son propre parfum. C'était le parfum Moi. En quoi? En 90? 98. 98. Bonne chance de le trouver en ce moment. Bon, c'est le parfum Moi. Et Kermit la Grenouille, lui, ne se laissera pas faire. Lui aussi, il a sorti sa colonne, lui, et qui s'appelait Amphibia. Hein? Amphibien. En 98 aussi? Je sais pas, par contre. Ça, je sais pas. Pendant 3 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Oscars étaient fabriqués de plâtre peinturé or. Hey! Oui. Ben non. Les gagnants étaient invités à plus tard revenir les échanger pour des Oscars en métal. Eh ben. Il nous en reste 2 petits derniers. Il y a 12 fleurs sur chaque côté d'un Oreo. Ah ouais? Moi, j'avais jamais remarqué ça. Non plus. 12 fleurs. Pourquoi des fleurs? Je sais pas, il y a sûrement une histoire derrière ça, mais c'est Quickie Edition en ce moment, fait qu'on dit pas les détails. Et en passant, les Oreos célèbrent leur 100e anniversaire. En fait, c'était aujourd'hui? Ou c'était... Est-ce que c'est aujourd'hui? Oui! Wow! Aujourd'hui, 100 ans d'Oreo. Oreo, hey, je pense qu'on va se gâter, mon François-Olivier. T'es pas mal trop excité, là. Un petit peu, ben, ça m'arrive. Ça t'arrive. En temps de m'exciter comme ça. Mais voilà pour la chronique. C'est un fait. Je pense qu'on on va devoir se manger quelques Oreos dans notre face. On n'a pas. Non, mais on n'a pas. On n'a pas. Pour l'instant, on écoute Topanga. Oui, et la pièce Fogo Island. Voilà. Et que c'est bon. On écoute ça là. On écoute ça là. Ouais, okay. Assemblage requis. C'est fou. Topanga, la pièce Fogo Island. Top là, Topanga. Top là, oh oui, vraiment. J'adore cette chanson-là. C'est sur le Maxi Oceans à Assemblage Ricky. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. J'ai très, très hâte de vous faire entendre la dernière pièce de l'émission. On va se quitter sur Oreo de Jace Bench 400 livres. Je remercie Denis Janvier d'avoir trouvé la chanson pour nous parce que je ne la trouvais pas sur Internet. Donc, Oreo, hey, en hommage au 100e anniversaire des Oreo cette semaine-là. Ah ouais? C'est aujourd'hui, en fait, mardi 6 mars. Tabarouette. C'est quelque chose. Donc, on se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain à l'émission, tout ce qu'on a, c'est Anne-Julie Durocher, mais de la qualité, donc elle compense pour tout le reste. Hein? Ouais, ouais, c'est ça exactement. Anne-Julie avec sa chronique sur l'AGEQTR. On va parler des activités à venir, surtout après la relâche. Évidemment, parce qu'en semaine de relâche, c'est pas grand-chose. On va aussi avoir C'est un fait et CNX demain. Restez sur nos ondes pour l'émission Le Dîner de con à 11h avec Danny Janvier, dont on parlait il y a 2 minutes. Connaître ensemble suivra à 13h avec de la périnatalité. Ça, c'est avant la naissance des enfants. Idéalement. Ensuite, à 14h, c'est La langue dans ton oreille avec David Ferron. À 16h, en rappel, le voyage insolite et album classique. À 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Allez voir cif.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Comme je disais, on se quitte avec Oreo de Jésus Bench 400 livres. Merci François-Olivier Marchand. Merci Mathieu Plante. Merci à Stéphanie Gagné. Merci à qui d'autre aujourd'hui? Sébastien Dulude. Sébastien Dulude, évidemment, Colin. Ils sont tellement bons, il faut les remercier plus qu'une fois, je pense. Ouais. Ils méritent ça. Ça, c'est vrai. Ils méritent. Bonne journée! Niam des Oreo. Des Oreo. Pas beau comme son, hein? Pas de pourquoi tu me craches dessus? À chaque fois que j'essaie d'être ton ami, t'es malade, t'en peux plus. Il faut soigner ta boulimie. L'espoir, c'est le vin qui tue. Et toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Oreo. Sur ta tête, je vois un Oreo. Oreo. Un Oreo, Oreo, divin c'est en un Oreo. À chaque fois que je te prends, tu te laisses pas faire et j'en souffre. La folie fait les dents, pénètre ma chair et j'étouffe. La nuit tombe et j'entends une belle mélodie ronde et douce. Une belle mélodie ronde et douce, Oreo. Sur ta tête, je vois un Oreo, Oreo. Tout étincelant, un Oreo, Oreo. Divin s'étend, un Oreo. Désigne ta blessée derrière, en plus j'ai des allergies. Va voir ton propriétaire, on n'a pas d'histoire et c'est fini. Et toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Oreo, sur ta tête je vois un Oreo, Oreo, tout étincelant, un Oreo, Oreo, divin s'étend, un Oreo, divin s'étend, un Oreo, divin s'étend. Sur ta tête, je vois un Oreo. Sur ta tête, je vois un Oreo.